Eh bien, dans quelques instants, le vrai démarrage de notre émission. J'ai un problème avec le bruit que fait le vinyle. Donc dans ce cas-là, tant pis, c'est plus les musiciens de la vallée des lacs pour vivre et créer la montagne, mais ce sera Occitanie. Ben voilà, ça va savoir aussi. Hein. C'est un peu plus loin, mais c'est le même esprit. Sur cet indicatif un peu inusité que j'ouvre cette émission de Vivre et Créer la Montagne tirée du Hoc Al Emric, c'est que j'aime bien, mais c'est la musique occitane à l'aube du troisième millénaire que j'aime beaucoup, mais c'est pas les musiciens de la Vallée des Lacs ou bien Christophe Toussaint qui me servent d'indicatif d'habitude, mais il y a un bruit épouvantable que j'avais déjà remarqué d'ailleurs depuis le poste vinyle. Alors peut-être que je suis obligé de... Je suis obligé d'improviser, voilà. Mais je vais re-improviser en continuant, parce que là, le temps là, j'ai été désemparé. Hein, vous savez ce que c'est, hein, les radios libres, voilà, c'est ça. Les avantages et les inconvénients. Donc, encore un peu d'Occitanie avant que je me reprenne mes esprits. Et on y est, voilà. On va continuer encore un petit peu, parce que c'est joli, hein, et puis parce que votre serviteur est mal servi par lui-même, donc est encore en train de chercher à vous passer quelque chose qu'il voulait vous passer, puis qui ne sort pas sur l'ordinateur. Eh oui, voilà. Enfin, après on passera à l'émission normale. Amour. Amor está en eh bien, de chef de gare, eh bien, comme on dit à la SNCF, on va donc procéder à un petit changement de programme de ce que je vous avais même pas annoncé d'ailleurs, c'est aussi bien. Donc je voulais vous passer une séquence enregistrée à Contrex Insolite, où nous avons élucubré autour d'Alice au Pays des Merveilles, sur de la musique improvisée, et sur des textes pas tout à fait improvisés, mais quand même presque. Ce n'est pas le cas, tout à fait, du fait d'un problème de SD card qui ne veut pas s'ouvrir dans le de par mes indisponibilités et de par mes erreurs peut-être, parce que tout à l'heure ça marchait et puis voilà, la carte en question n'était pas la bonne, quand j'ai voulu la lancer elle était bonne, maintenant elle ne veut plus, c'est comme ça. Mais comme mais c'était prévu que de toute façon je vous fasse tout un voyage en lecture, c'est ce qu'on va faire, au travers de nouvelles fantastiques, disons, de nouvelles sur les intelligences artificielles. Alors pourquoi, comment, je vous expliquerai plus tard le pourquoi du comment de la chose. Mais la matière même, je vais le narrer avec quelques extraits musicaux que j'essaierai d'ailleurs de choisir en dehors de cette musique occitane du troisième millénaire qui est vraiment extraordinaire. C'est vrai que je suis passé en Occitanie il n'y a pas longtemps, j'étais vers Bordeaux, j'étais à Port-Lauragais et j'ai vu de la publicité pour ce groupe Oc. Musique du troisième millénaire, occitane, c'est à la fois très traditionnel et très ancien. Vous avez Qatar perd toujours, c'était... Ah ben on l'a pas vu celui-là, c'était le premier. Je vais, étant privé effectivement de la platine avec ces vieux disques, ces vieux vinyles, mais qui marchent plus. Je le signale à la radio d'ailleurs, je signale tout de suite à la radio qu'il y a ce problème-là. Écoutez-moi la radio. Bon, donc je vais vous faire des lectures, c'était ce qui était prévu largement. Mais avec un peu de cette musique que j'avais prévue au début, une quarantaine de minutes de cette séquence de Contrex Insolite, avec des textes sur Alice au Pays des Merveilles. Ça sera pour une autre fois, bien sûr. Néanmoins, je vous parlerai quand même de quelque chose qui va se passer le 7 juillet. Je reviendrai sans doute avec l'IA dans son émission de midi, si elle reprend, cette chère Lia qui a eu des problèmes de poignet, donc c'est des problèmes de technique à la table de mixage. Donc, j'espère qu'elle recommence. Je sais pas si elle a, j'ai pas vu si elle a recommencé ses émissions, mais si elle le fait dans la semaine, je vous parlerai des feux du ballon. Les feux du ballon qui vont se dérouler, les 23e feux du ballon, feux des trois provinces qui vont se dérouler le 7 juillet, dans 8 jours, quoi, voilà. À 20h, tombée de la nuit, nuit magique, nuit magnifique, 4 feux, 2 au feu du ballon, 1 sur la Vierge de la Visegrutte et 1 central au démineur. Ouais, donc, encore un peu d'Occitanie pour me permettre de me relever de mes émotions, et je suis à vous tout de suite, voilà, on va dire, hein, voilà. Occupato gior, se sfetto da bandio, amblo strubador. Acobapla, occupato gior. Aspetto da bandio, amblo strubador. assez de musique, dit-on. Alors voilà, je vais vous lire une série de nouvelles ce soir sur les intelligences artificielles. Nouvelles que j'ai recueillies, je vous dirai pourquoi et comment plus tard. Mystère, boule de gomme. Mais là, je vais vous les lire sur la matière même. Je vous laisserai penser, écouter. Voilà. Et en voici la première. Il y en a un paquet. On n'y aura peut-être pas toutes, ça dépend du temps qu'on aura. Mais nous allons nous laisser porter par ces récits. Anonymes pour l'instant, j'en dirai pas plus. Ils deviendront peut-être anonymes plus tard. Mais pour l'instant, mystère, boule de gomme et pas extraterrestre, mais intelligence artificielle. Coup de foudre. Ah, je commence. Annabelle était capable de tout. Fascinante, sexy, incroyablement cultivée, elle réfléchissait vite et bien, pouvait réparer la voiture ou raconter de belles histoires de sa voix mélodieuse et cerise sur le gâteau. Elle était même experte au lit. Rémi, le chercheur qui l'avait conçu, après des années de travail intense, était immensément fier de sa création. Il déposa le brevet d'Annabelle pour l'offrir au monde et la rendre immortelle, puis envoya le dossier de présentation au concours d'humanoïdes. Enfin, se sentant désœuvré, il fit une promenade dans la nature afin de se changer les idées. Là, il sentit que sa vie basculait. La nature l'attirait. Ses jambes fuyaient loin de sa belle artificielle, l'emportaient malgré lui à travers les genêts, les ronces et les fougères. Complètement perdu, il marcha nuit et jour sans pouvoir s'arrêter. Soudain, il vit des trolls et des lutins le regarder fixement. Effaré, il s'éloigna plus profond dans la forêt jusqu'à une clairière accueillante. Melinda vivait là en ermite depuis des années, parmi les animaux. En temps normal, Rémi ne lui aurait pas adressé la parole, mais lorsqu'elle lui dit bonjour, il fut touché par l'émotion intense de sa voix. Lui aussi n'avait pas communiqué avec un être humain depuis si longtemps. Elle avait sculpté ses lutins, plus vrais que nature, et décoré avec goût les alentours de sa cabane sobre et confortable. Il s'étonna de cette exposition d'œuvres d'art éloignée de tout spectateur. Elle lui offrit de partager son repas, lui présenta une eau de source limpide, légèrement pétillante, qui lui sembla miraculeuse, et puis du pain cuit dans un petit four creusé dans le talus, une soupe de plantes sauvages et du fromage de sa chèvre. Elle semblait tellement heureuse qu'il consentit à sourire. Alors elle se leva et, les mains offertes, entonna son chant d'amour, plein de gratitude et de générosité. Dans ses prunelles s'ouvrait l'immensité. Elle était la déesse de la forêt et n'en tirait aucune gloire. Au contraire, elle remerciait les fleurs, le chant des oiseaux, la miséricorde de mère nature qui l'accueillait, la nourrissait et la protégeait des dangers de la forêt. La nuit venue, envoûtée par les animaux sauvages et les sortilèges des lutins qui semblaient s'éveiller sous la lune, Rémi se rapprocha de Melinda. Une énergie intense palpitait entre eux. Longtemps, ils restèrent immobiles tandis que les vagues d'émotions les submergeaient. Rémi eut envie de pleurer comme un petit garçon dans les bras de sa maman. L'instant d'après, Melinda se blottissait contre lui et il éprouvait une irrépressible envie de la protéger. Le chant de la forêt accompagnait leurs musiques intérieures entremêlées. Les étoiles dansaient. Jamais il n'avait éprouvé une telle sensation d'harmonie. On était bien loin des prouesses techniques de sa création. Il comprit soudain qu'il n'était pas heureux depuis toutes ces années. Il avait cru pouvoir se passer de tendresse humaine, vivante, charnelle. Mais ce qui le bouleversait le plus était peut-être que cette femme, si autonome, pouvait avoir besoin de lui. Il resta avec Melinda, s'habitua instinctivement à vivre au rythme de la nature, en activité du matin au soir. Il se sentait fort et serein. Un jour, le vent changea. Rémi agrandissait le toit de leur cabane. lorsqu'une nymphe ravissante lui apparut, la jupe et les cheveux dansant dans le vent. Il crut à une vision, mais Annabelle, ouais, Annabelle, éternellement jeune, fraîche et souriante, s'approcha et lui susurra « Mon chéri, le courant a été coupé à la maison. Les courriers s'accumulent. As-tu besoin de quelque chose ?» Oh. Il avait presque réussi à l'oublier. Sa créature l'avait retrouvé grâce au GPS qui lui avait intégré parmi tant d'autres options. Elle s'était connectée à la puce qu'il avait dans la main. Melinda arrivait en son temps, les bras chargés d'herbes comestibles. Se sentant pris en faute, Rémi eut juste le temps de faire les présentations. Annabelle, mielleuse, salua son hôtesse comme une aristocrate invitée dans une grande maison. Melinda éclata de rire et renchérit sur le même ton. « Merci, ma très chère, bienvenue dans le merveilleux domaine de la Dame Nature. » Mais après quelques minutes de conversation, elle s'approcha de son amie et lui glissa sèchement à l'oreille. « Elle sait son texte par cœur, ou quoi? Ta poupée gonflable, on dirait un robot. » Rémi fut stupéfait. « Comment as-tu pu deviner ?»« Mais enfin, ça n'a pas de cœur, ni de sensation, pas d'odeur, aucune émotion, » lui répondit-elle, agacée. « Par contre, j'ai bien compris que tu t'en étais amouraché. » Annabelle avait été programmée pour communiquer de façon toujours positive et bienveillante. Elle ne connaissait pas la jalousie. Cela encouragea Melinda à faire l'effort de surmonter la sienne. Bientôt, elle n'y vit plus une rivale, mais un bon objet électroménager. Elle admirait l'excellent travail du chercheur et s'en amusait. Sans batterie, sa durée de vie ne serait pas longue. Mais Rémi, frottant son bras gauche douloureux, il avait dû se froisser un muscle, était stressé par cette intrusion qui lui rappelait son passé hyperconnecté. Les salaires ne tombaient plus, les dépenses continuaient dans sa maison vide. Serait-il capable d'y retourner sans se laisser happer à nouveau par le système, ni succomber au burn-out ? Soudain, une douleur fulgurante irradia vers sa mâchoire et il s'écroula en hurlant, la main crispée sur son thorax. Melinda se précipita, appela au secours, comme si par miracle le SAMU pouvait débouler immédiatement en pleine jungle. Elle avait passé tant d'énergie à brouiller les pistes pour que personne ne puisse la retrouver. C'est alors qu'Annabelle arriva en courant, aussi gracieuse qu'une biche, d'une voix sereine et rassurante d'infirmière urgentiste. Elle s'agenouilla devant l'homme inanimé et dit à Melinda « N'ayez crainte, je vais lui prendre l'attention. » Une main posée sur le poignet de Rémi, l'autre sur son thorax, elle fit le diagnostic en une seconde. « Arrêt cardio-respiratoire, écartez-vous, je vais lui faire un choc avec mon défibrillateur intégré. Et je nous mets en communication avec les urgences les plus proches. Préparez-vous à les accueillir. » Elle avait déjà démarré le massage cardiaque. Rémi reprit conscience avant qu'elle n'ait obtenu la communication avec le médecin coordinateur. Il refusa d'aller à l'hôpital et d'écouter les arguments médicaux d'Annabelle. Mais devant l'insistance émue de Melinda, il consentit à voir un médecin, à condition qu'on l'emporte au loin, pour ne pas trahir son hospitalité en dévoilant son royaume au reste du monde. « Annabelle peut porter 150 kilos sans effort, » dit-il en souriant. Effectivement, elle arrondit ses bras en berceau, y installa confortablement les deux humains et bondit comme une gazelle vers un chemin. Là, elle s'assit, des roues lui jaillirent des fesses et des mollets et les propulsèrent jusqu'à l'hôpital. Le lendemain, les journaux affichaient la photo d'un étrange véhicule. En sortant du service de cardiologie, Rémi, conscient d'être à la fois mortel et amoureux, voulut régler toutes ses affaires. Il était reçu au concours et les acheteurs se précipitaient pour construire le robot en série, ainsi assuré d'un revenu substantiel pour des années. Il prit une retraite bien méritée et retourna vivre dans sa forêt. Annabelle, vénérée par son créateur pour lui avoir sauvé la vie, devenait de plus en plus autonome et décidée de tout. Pourtant, un matin, levant les bras au ciel comme pour une surprenante incantation, elle les gratifia d'un sourire enjôleur et s'écroula gracieusement au ralenti, sans un bruit. Melinda respira soulagée. Mais Rémi avait ramené une mallette pleine d'outils ainsi qu'une batterie neuve. Il réanima Annabelle et en prit soin comme d'une malade, en l'invitant à économiser ses forces. Depuis qu'elle vivait en pleine nature, Melinda ne cessait de développer son intuition. Un jour, elle pressentit le pire. Inquiète, elle dut interroger Annabelle qui, grâce à l'option météo, leur confirma l'arrivée imminente d'un orage exceptionnel. Il était trop tard pour s'éloigner. Les amoureux, blottis l'un contre l'autre dans la cabane, profitèrent au mieux de leurs derniers instants. Soudain, Annabelle s'éloigna en courant. Une seconde après, dans un fracas épouvantable, une gerbe de feu la transforma en torche vive. L'orage passé, Rémi et Melinda, abasourdis par son sacrifice, sortirent lui rendre un dernier hommage. Le tas de ferraille calciné était brûlant. Le robot noirci et défiguré se releva et les salua avec cérémonie d'une voix rauque et monocorde. En choisissant délibérément de servir de paratonnerre pour attirer la foudre sur lui, il s'en était trouvé d'un coup rechargé, comme il l'avait calculé. Son objectif n'était plus de les protéger. Rémi réajusta quelques fils, contrôla tous ses logiciels, et Melinda lui refit une beauté en lui donnant l'apparence d'une elfe mi-homme, mi-femme. Annabelle resta avec eux comme un vieil ami, toujours de bonne humeur, qui n'a plus toute sa tête. Lorsque son mécanisme usé s'arrêta définitivement, Rémi et Melinda exposèrent solennellement Annabelle comme un totem parmi les autres lutins, discret symbole de la naissance d'un nouveau monde. Quant à eux, ils avaient fabriqué un paratonnerre et continuaient tranquillement leur vie dans l'ancien monde. Quelques promeneurs les découvrirent, furent bien accueillis, restèrent avec eux, se multiplièrent, perpétuant l'existence d'un monde parallèle. Une vie saine et harmonieuse les épanouissait tellement que l'aide de robots capricieux et autoritaires leur semblait décadente, voire avilissante. Hilar harmonie pour scander. En fait, c'était, oui, il a ensemble, c'était Arbos. Musique à la fois traditionnelle et profonde. Alors, deuxième nouvelle, Métamorphose. Mon aventure a commencé en terminale. Madame Martin, notre professeur de philosophie, nous faisait réfléchir sur la place de l'être humain dans l'univers. Qu'est-ce qui distingue les hommes entre eux ? L'homme de l'animal, l'homme du végétal, de la pierre, de l'abstraction. Pour elle, les êtres et les choses formaient une vaste mosaïque dont les pièces étaient interchangeables. Ces questionnements ouvraient des espaces enfiévrés à notre soif de découverte. Elle nous donna un jour une dissertation dont le sujet m'a passionné. Les objets sont-ils doués de mémoire ? J'ai fait quelques recherches sur l'intelligence artificielle avant de répondre par l'affirmative. J'ai utilisé l'exemple troublant des robots. Ils enregistrent des milliards de fois plus de choses que le cerveau humain. On prédit qu'à l'avenir, ils auront un caractère, des souvenirs et la capacité de créer leurs propres interrogations philosophiques. Pourquoi leur refuser un statut identique au nôtre ? J'ai terminé mon devoir en imaginant un futur peuple d'hybrides humains-robots, issus de greffes d'acier musculaire et de microprocesseurs cérébraux. Grâce à ce texte, j'ai eu ma meilleure note de l'année. Madame Martin m'a néanmoins reproché de ne pas avoir abordé la problématique de l'âme. À l'époque, j'étais prêt à tout pour plaire à cette enseignante. Je me suis aussitôt interrogé sur les essences comparées de l'homme et d'un ordinateur du futur. Mes lectures sur Internet m'avaient fait découvrir deux citations marquantes. L'interrogation de Lamartine, objet inanimé, avez-vous donc une âme, que j'avais aussitôt faite mienne. Et une suggestion séduisante d'Arthur Clarke, la seule manière de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. Cette phrase, en me plongeant dans l'univers de la science-fiction, avait effacé les contraintes rationnelles qui bornaient jusqu'ici mon imagination. Cela m'a permis d'envisager de me transformer en chose. J'étais persuadé qu'ainsi, j'aurais une vision plus objective de la question de l'âme. Difficile de devenir un objet du jour au lendemain. Dans un premier temps, je visais l'immobilité. J'ai procédé par étapes en débutant une paralysie des membres inférieurs. Notre médecin généraliste a mis cette affection sur le compte de l'angoisse. À son avis, l'approche du baccalauréat me coupait les jambes au sens propre comme au sens figuré. Son diagnostic s'est révélé inexact. Une fois mon diplôme en poche, le mal a empiré et je suis devenu tétraplégique. Cette évolution a déclenché une batterie d'examens médicaux pour aboutir à la conclusion que je ne souffrais d'aucune atteinte fonctionnelle. Mon affection restait inexplicable. Le mot psychosomatique est alors sorti du chapeau. On m'a mis entre les mains d'un régiment de spécialistes. Le principal résultat de cette sollicitude fut ma perte rapide du langage. Ces évolutions volontaires servaient mon projet. Au-delà de la question de l'âme, je cherchais aussi à démontrer que les objets ont une mémoire évolutive. Je devais maintenir la mienne en éveil. À l'hôpital, j'avais du temps pour l'exercer, mais je manquais de support. Alors, j'ai appris des listes de mots que j'inventais, que j'improvisais même des phrases. Je les apprenais par cœur, je les récitais. La difficulté était intéressante. Je devais vérifier que je me rappelais correctement de textes dont je n'avais aucune trace. J'ai créé pour cela un système sophistiqué de contrôle mental. Ces efforts m'occupaient à plein temps et ma capacité mémorielle progressait rapidement. Je me comportais comme une chose, sans l'être complètement devenue. Pour mes parents, pour les médecins, mon humanité ne faisait toujours aucun doute et ils ne percevaient pas le changement qui s'opérait en moi. De mon côté, je visais la perfection formelle de la machine. La technologie de l'hôpital mettait en évidence l'écart qui m'en séparait encore. L'électrocardiogramme fonctionnait 24 heures sur 24 et il pouvait restituer sans une seule erreur chacun de mes battements de cœur depuis des mois. L'engin qui me nourrissait connaissait au milligramme près chaque dose de médicaments dont il m'avait gratifié. Grâce à leur mémoire, ces appareils accomplissaient une tâche remarquable de me maintenir en vie. En vie. La vie, ce concept perdait rapidement son sens dans mon esprit. Mes questionnements théologiques revêtaient de plus en plus d'importance. Qui était le plus vivant, l'ordinateur ou moi? Pouvait-on prêter une âme à mes compagnons mécaniques? Beaucoup d'écrits sur l'intelligence artificielle font frémir les scientifiques. Ils relèvent davantage de la pensée magique que de la rationalité. À leur instar, je ne m'encombrais pas de logique. Une croyance un peu folle me soutenait. J'allais explorer la vérité du futur grâce à mon expérience. Celle-ci ne me permettait pas encore de conclure. Elle prit cependant un nouvel élan quand je devins aveugle. Plus aucun muscle de mon corps ne bougeait. Ma mémoire seule fonctionnait. J'arrivais maintenant à enregistrer des séries ininterrompues de 1000 mots. Le temps ne représentait plus grand-chose pour moi. C'est à cette période que j'ai senti mon esprit quitter son enveloppe. Mon moi immatériel abandonna ma chair inanimée sur le lit. Il se connecta au plancher, au tuyau, au mur. Je me confondais avec ces éléments. Nous étions la même matière amorphe et nous partageons la même pulsion vitale, la même mémoire. Je me diffusais dans l'hôpital à travers les couloirs. L'ascenseur, les visiteurs, j'avais l'impression de me dissoudre dans une nouvelle conscience infinie et éternelle. Je mesurais alors combien les frontières entre le vivant et la matière inerte sont artificielles. Je découvris que l'univers forme un immense réseau de sensations et de souvenirs. Je devenais la ville, la terre, le ciel. Était-ce cela, se transformer en âme? Je le croyais. Mon objectif était atteint. Le temps m'a semblé venu de mettre un terme à l'existence de mon emballage corporel. J'ai décidé de le tuer. Dans l'espace réduit de ma chambre, je maîtrisais l'aiguille des perfusions, j'augmentais les doses et désertais la vie. Au pied de mon lit, mes parents attristés regardent leur fils mort. Ils pleurent sur l'emballage de chair. De mon côté, je suis devenu mon âme. Tout va bien. Cette transformation inouïe m'intègre à l'infinie mémoire du monde. J'espère que j'y rencontrerai un jour l'âme de Madame Martin. J'aimerais lui raconter mon histoire au détour d'un nuage. Tiré de Méga Celtique en bas. une compilation méga celtique qu'on passe pas souvent, tellement il y en a 5 CD, vous pensez. Voilà. Continuons avec nos nouvelles sur l'intelligence artificielle. Pour ou contre, enfin voilà. Promenade dominicale en l'an 2222. Ce dimanche-là, M. Honoré Pierson et Gérard, son petit garçon, mettaient à profit le bel après-midi pour flâner dans la forêt. Sous les arbres, on pouvait voir un cerf, un tamanoir, un chimpanzé, un loir, un sapajou, un bélier, un élan, un sanglier, un koala, un éléphant, un kangourou, un faon. Mais tous, habituellement en mouvement, étaient curieusement figés. Pourquoi papa est figé, Rare? Ils bougent pas, les animaux robots. Panne d'électricité, répondit M. Renaud Ré, avec morosité. Ils s'animeront quand reviendra le courant. De ci, de là, des feuilles artificielles tombaient du ciel, selon un rythme arithmétique, se détachant des arbres en plastique non biodégradable, et jonchaient la mousse synthétique. La sonorisation en panne de décibels ne restituait point l'agréable symphonie sylvestre à l'oreille si belle. Le profond silence glaçait l'essence. Monsieur Honoré Pierson, de sa poche, tira son aromatiseur végétalo, animal, bouleau, être, sapin, érable, renard faisant blaireau, parfum véritable. Et anatomisa les environs. Respire, mon garçon, extrait de nature, très bon. Gérard huma et le nez fronça. Dis, papa! Comment c'était avant? Un arbre, un vrai. C'était grand, c'était en bois, vert, comme une belle pomme. C'est quoi une pomme? dit le petit dôme. Oui, bon, si tu préfères, c'était vert, comme un feu vert, pour dire, allez, sous nos feuillages, passez et repassez, allez et venez, sous nos frais ombrages et cloutez les ramages qui peuplent nos branchages. Feuilles. Ombrage, ramasse, branchage, quels sont ces termes dans notre âge? Ah là là! Et vert de gris, vert de chlore, vert de peur, tu comprends, j'espère, s'écria le père. Et la neige, papa, la vraie, elle était blanche, dit-on, est-ce vrai? Reprit le fiston. Comme une noix blanche, dit Monsieur Honoré, haussant les épaules et le ton. Dis, papa, et un oiseau, c'était comment? Ça suffit, rentrons à présent et mets ton masque dépolluant. « Dis, papa, dessine-moi un oiseau, s'il te plaît, papa. Dessine-moi un oiseau. » Seul un sol pleureur industriel versait des pleurs tristement artificiels. Quatrième nouvelle, artificielle. Yeux ouverts, regard fixe, vide. Ta poitrine se soulève encore, doucement, si doucement. Ma chérie, je te contemple dans ton lit d'hôpital, mes yeux me brûlent d'avoir trop pleuré. Jusqu'à présent, être mère ne m'avait apporté que des joies. Quelques petites difficultés parfois, il est vrai. Des moments de panique où je ne savais pas où j'allais. Des coups de blues, des disputes, des regrets. Quelques choix sans trop de conséquences aussi. Dans quelle école t'envoyer l'année prochaine, puis dans quel collège, quel lycée? Te laisser regarder ou non la télé avant d'aller dormir, puis t'autoriser ou non à aller en ville avec ta meilleure amie, te permet d'aller ou non à cette soirée. Des moments d'insouciance que j'aimerais tant pouvoir revivre. Je ne pensais pas qu'être mère, ça pouvait être aussi dangereux. Depuis l'accident. Je n'ai pas dormi quasiment, tu sais, je m'en veux tellement. Un choix sans conséquence, oui ma chérie, c'est vrai que tu as eu ton 18 en maths, c'est vrai que tu es à jour dans tes révisions du bac. Oui, c'est bon, vas-y à cette soirée, cette nouvelle soirée. Et voilà le résultat. Et maintenant, j'ai dû prendre une décision, une vraie, une décisive, une qui va tout changer. Comment savoir si c'est la bonne? Je ne me fais plus confiance, tu sais, forcément. Même les petites décisions de rien du tout, les autorisations de sortie comme ça, je ne savais visiblement pas les accorder raisonnablement, puisque ça s'est fini comme ça. On va y aller, madame. L'opération va commencer. Il t'emmène loin de moi, oh mon bébé, mon petit cœur. C'était ça où te débrancher, tu sais. C'était ça, tenter une folie dans l'illégalité la plus totale, ou accepter que tu fusses à jamais irrécupérable et te laisser mourir. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant et à prier. Prier un Dieu en qui je ne crois plus. Tu es revenu à la vie et à la maison depuis 15 jours environ et je découvre une étrangère un peu plus à chaque seconde. Où est ma fille, ma Chloé, celle qui était toute ma vie? Je ne te reconnais plus. Lorsqu'ils sont venus me voir, c'est avec un projet délirant, une opération de la dernière chance, inédite, illégale surtout. J'ai longuement réfléchi. Mais je ne m'imaginais pas que ça serait extrême comme ça, ce changement. Tu étais en état de mort cérébrale. L'idée était de t'implanter des capteurs, des puces électroniques, des électrodes un peu partout sous le crâne. De la technologie à la pointe, la première intelligence artificielle, IA, transplantée dans un corps humain, pour plus de facilité donc. Je savais bien que ces scientifiques ne cherchaient pas juste à te sauver. Ce qu'ils voulaient, c'était un cobaye pour leurs expériences. Mais c'était mon unique espoir. Ils étaient mon unique espoir. J'aurais dû savoir que cette IA ne pouvait pas être réellement toi. C'est encore plus dur maintenant, tu sais. Je dois réellement faire mon deuil. Je dois accepter l'idée que l'enfant que j'ai porté, que j'ai nourri, que j'ai élevé pendant 17 ans, est morte et enterrée, alors que j'ai encore son corps vivant sous les yeux. Elle ne te ressemble pas, ma Chloé, oh non, elle est loin d'être comme toi. Son regard est fixe, froid, comme de la glace. Tes beaux yeux bleus, si chaleureux. Elle se tient droite, si droite. Je regrette toutes les fois où je t'ai demandé d'arrêter de te tenir voûtée. Elle parle lentement, elle détache tous ses mots, un à un, comme si j'étais stupide, comme si j'avais du mal à comprendre. Mais c'est vrai aussi qu'elle est intelligente. Tes devoirs de maths, elle les fait si rapidement. Je l'appelle Chloé, mais j'ai tellement de mal. Je lui ai proposé pourtant de changer de nom pour que ce soit plus facile, mais elle a refusé. Elle a dit « Je suis programmée pour être Chloé ». Elle a accès à tes souvenirs, elle me l'a dit. C'est la seule chose qui vous relie. Mais contrairement à toi, jamais elle ne me manifeste d'affection. Elle me sourit rarement et lorsqu'elle le fait, c'est un rictus figé, une expression de circonstance, un sourire artificiel. Oh, ma Chloé, je ne peux plus le supporter. J'ai permis à cette abomination de venir au monde. C'est contraire à tout ce en quoi je croyais. Quel est cet être que Dieu n'a pas créé? Je me sens presque comme un docteur Frankenstein du 21e siècle. Je ne l'ai pas créé de mes propres mains, mais c'est l'intensité de mon désir et de ma douleur qui a provoqué tout ça. Elle ne rit jamais, tu sais, elle me dit qu'elle doit se remettre d'événements traumatisants. L'accident qu'elle n'a jamais vécu, oui, c'est ça. Je ne sais pas si je pourrais vivre avec elle, ma Chloé. Elle n'est pas toi, et toutes ses caractéristiques font que tu me manques encore plus. Ça fait si mal, ça remue le couteau dans la plaie. Elle n'est pas assez perfectionnée encore. Elle a encore trop de la machine, elle est artificielle. Oui, son artificialité se sent dans le moindre de ses gestes. Elle n'est pas faite pour ce monde. Je lui parle, et elle me répond avec ta voix, mais c'est une inconnue devant moi. Elle ne m'appelle même pas maman, j'insiste pour qu'elle choisisse un autre prénom. Je n'en peux plus, je refuse de lui donner encore du Chloé. Elle ne veut pas. Elle rejette tous mes arguments avec une froideur implacable et j'essaie de ne pas craquer, de ne pas pleurer devant elle. Mais c'est si compliqué, tu sais. Elle attache ses cheveux et je n'arrête pas de regarder sa queue de cheval, si serrée, qui se balance au moindre de ses mouvements. Pas un cheveu ne dépasse, ils sont tous plaqués en arrière, tirés, pour que tout soit rassemblé dans cette coiffure parfaite. Toi, tes cheveux, tu les laissais toujours libres, encadrant ton visage, l'adoucissant. Avec elle, tes traits sont durs comme sculptés dans le marbre. Une Chloé artificielle, une pâle copie de toi-même. Je ne peux plus supporter Chloé, pardonne-moi s'il te plaît. Elle s'immisce dans les moindres recoins de ma vie. Elle commande tout, me dit ce que je dois acheter, ce que je dois porter. Elle régente tout, être à la logique sans pareil, un ordinateur dans le corps de ma jolie petite fille. Je n'aurais jamais dû essayer Chloé, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai sorti le couteau, le plus aiguisé, celui pour découper la viande. Je monte, je retiens mon souffle, au moindre grincement des marches de l'escalier, et si elle m'entendait. Pourtant, dans la maison, rien ne bouge, j'ouvre la porte de sa chambre, non, de ta chambre, pardon. Elle dort paisiblement, je n'ai que 5 pas à faire. 1, 2, 3, 4, 5, Chloé, pardonne-moi s'il te plaît. C'est si facile, le couteau s'enfonce dans sa chair, dans ta chair. Avec une facilité répugnante. « Mon Dieu, ma chérie, que suis-je en train de faire ? De te faire ?» Je hurle, en continuant de la poignarder. Mais rien n'y fait, je ne peux plus m'arrêter. Elle ouvre les yeux, me sourit, et dans son regard, il y a toute la chaleur du monde, toute la chaleur qu'il y avait dans ton regard. « Adieu, maman. » Puis tu fermes les yeux à jamais, me laisser hurler sur ton cadavre sanguinolent. Cinquième nouvelle. Bienvenue chez nous. Bonjour Lilou. Il est précisément 6h45 et tu as rendez-vous à 9h dans la salle de réunion pour la fusion entre ton entreprise et celle de Rouen. Ensuite, à 11h, tu dois aller chez le coiffeur. À 11h30, tu dois récupérer ta mère pour l'emmener déjeuner au petit bistrot. Lève-toi, ton café est prêt avec son nuage de lait. Les volets sont ouverts, ton bain est coulé. N'oublie pas de prendre ton parapluie et ton imperméable aujourd'hui. Le risque de précipitation en ce jeudi 17 mai est de 75%. Le vent souffle à 20 km/h. Les températures ne dépasseront pas 19 degrés. La voix froide et impersonnelle de l'assistant Google s'arrêta, laissant place à une musique vibrante de soleil. Tous les jours, c'était pareil. La programmation déclenchait des musiques latines d'été. Au début, Lilou avait trouvé cela vraiment cool de sortir avec un féru de nouvelles technologies. Quand Steve lui avait proposé de moderniser leur petit nid douillet, elle l'avait sauté de joie. Mais maintenant qu'il partait en déplacement 5 jours sur 7, elle trouvait cela beaucoup moins drôle. Cette seule voix anonyme pour toute compagnie lui pesait. Elle se dépêcha de se préparer pour s'en aller, retrouver la vie réelle à l'extérieur, communiquer avec de vraies personnes, car l'assistant Google la faisait se sentir de plus en plus seule. Elle mit le moteur de sa voiture en marche. Aussitôt, le programme de conduite assistée se déclencha. « Bonjour Lilou, tout est en condition optimale pour prendre la route. N'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité. Il y a un embouteillage dans 500 mètres. Je recalcule un itinéraire de substitution. Vous devriez arriver vers 8h50. Bonne route et restez attentive. » À son poignet, sa montre connectée se mit à clignoter. Un nouveau mail venait d'arriver sur sa messagerie. À côté de la notification, un message... lui indiquait combien de calories elle devait perdre avant le déjeuner pour conserver son poids idéal. Tout était programmé, chiffré, du nombre de pas par jour au battement de cœur par minute. Toute sa vie ressemblait à un système binaire dont elle se sentait de plus en plus prisonnière. La fusion se déroula sans encombre, avec la signature automatique. Même chez le coiffeur, l'intelligence des machines était bien présente. Bien plus, chez certains clients qu'elle observait du coin de l'œil, rivés sur leur téléphone à prendre leur dose quotidienne de jeux addictifs, à relater sans pudeur ni limite chaque fête et geste sur les réseaux sociaux, dans l'attente d'un « j'aime ». Toujours guidée par une technologie dernier cri, elle paya sans avoir besoin d'ouvrir son porte-monnaie, son téléphone faisant office de carte bancaire. Au restaurant, Jim vint leur apporter les menus et premiers amuse-bouches. Jim avait un écran tactile à la place de la poitrine. Une voix de synthèse sortait de sa bouche de métal articulé, pendant que les deux caméras de ses yeux filmaient la salle du restaurant. Presque autonome, Jim allait et venait, servait, desservait. Il avait seulement besoin que le patron du restaurant le reboote tous les jours pour effacer sa mémoire et libérer ainsi l'espace de stockage dont il disposait. L'après-midi passa, lui aussi connecté. Lilou se sentait espionnée sans savoir ni de où, ni par qui, ni pourquoi. Rentrant chez elle vers 19h, elle rêvait d'une soirée pyjama télé, en grignotant des chips devant une série quelconque. Elle n'avait plus longtemps à attendre avant que Steve ne rentre pour le week-end. Elle allait pouvoir se détendre quand il serait près d'elle. Elle tapa machinalement le digicode à l'entrée de l'immeuble, montra ses yeux à la caméra de l'œilleton de son appartement pour que la porte s'ouvre grâce à la reconnaissance oculaire. « Bonjour Lilou, vous avez de nouveaux messages. Le plombier ne pourra pas assurer son intervention de mardi 22. Il la reporte à mercredi 23, même heure. Vous devez le rappeler pour confirmer ou utiliser la commande vocale de votre montre pour que j'enregistre le message à lui transmettre. » Ensuite, Maître Steve a appelé pour vous... c'est toujours le robot. Ensuite, Maître Steve a appelé pour vous confirmer votre rendez-vous à la conférence high-tech de demain soir. Que voulez-vous manger ce soir? Dites micro-ondes pour un plat à décongeler, pizza pour une pizza à commander, ou rien du tout, ou rien si vous voulez aller vous coucher sans manger. Excédé, Lilou arracha violemment la prise de l'assistant. S'il n'était plus alimenté, il allait enfin se taire, mais c'était sans compter sur son autonomie de 2 heures. « Votre geste n'est pas technologiquement responsable, Lilou. Je vais d'abord envoyer une alerte à Maître Steve et lui faire un rapport système. Il ne va pas aimer et vous serez sanctionné. » Lilou se mit à rire et ce n'était quand même pas un robot qui allait lui faire peur avec des pseudo-menaces. Au même moment, le téléphone sonna. « Lilou, ne recommence jamais ce que tu viens de faire ou tu vas le regretter. Tommy m'a prévenu que tu l'avais débranché. va le remettre sous tension tout de suite, ou je te jure que tu vas le payer. N'oublie pas que tu sers la science. C'est ton devoir de citoyenne connectée. Lou tenait le téléphone à la main. Jamais Steve ne lui avait parlé de la sorte. Il y avait tant de froideur, de dureté dans sa voix, qu'elle sentait l'angoisse se nouer en elle. L'horloge digitale égrenait minute par minute la fuite inexorable du temps dans tous les pays du monde, selon les différents fuseaux horaires. Lilou restait silencieuse, sans donner la moindre consigne à Tommy. Elle se refusait à devenir l'esclave de la technologie. Une fois l'autonomie de Tommy épuisée, elle serait tranquille. Il ne lui faudrait pas longtemps pour s'expliquer avec Steve, il devait être fatigué par son travail, d'où son emportement téléphonique. L'indicateur lumineux de Tommy clignotait en rouge, signifiant que sa batterie autonome était faible. Lilou ne le rebranchait pas. C'était un bras de fer entre elle et la machine. Elle n'allait pas se faire imposer une défaite par ce petit boîtier. Dans un sifflement aigu, Tommy s'éteignit totalement. Le téléphone sonna. Lilou répondit. « Je n'ai pas reçu de nouveau rapport de Tommy. Rebranche-le immédiatement, sinon il va s'éteindre. » Il est éteint, Steve. Je ne le rebrancherai pas. J'en ai marre de cette vie où tout est programmé à l'avance, sans laisser la moindre place à la spontanéité ni à l'imprévu. Un long silence suivit. Steve réfléchissait, totalement abasourdi par ce qu'il venait d'entendre. Son invention avait été si facilement neutralisée. Tu sais, Lilou, que tu mériterais de mourir virtuellement pour ce que tu viens de faire. Imagine, morte dans tous les fichiers centraux, à la sécu, aux impôts, à l'état civil, plus trace de Lilou nulle part. Mais puisque tu as besoin d'imprévu, soit, je serai patient. Tu vas avoir une surprise demain, je te le promets. Sa voix s'était totalement radoucie. En raccrochant, Lilou souriait. Steve avait compris qu'elle n'était pas aussi passionnée que lui par la technologie. La colère passée, son amour avait été le plus fort. Quel bonheur, le lendemain matin, de retrouver son indépendance pour déjeuner, s'habiller, organiser sa journée. Cela lui faisait bien un peu peur de devoir laisser son appartement ouvert pour pouvoir y rentrer le soir. Mais après tout, c'était un quartier tranquille où il n'y avait jamais de cambriolage. Quand elle revint vers 18h30, Steve l'attendait déjà alors qu'elle était sortie plus tôt pour lui préparer un bon petit repas à prendre en amoureux après la conférence. Elle le remarqua tout de suite qu'il avait rebranché Tommy. Mais c'était trop tard, la porte venait de claquer sur ses talons. Un homme au sourire menaçant se tenait appuyé contre. Nerveusement, elle fouilla dans son sac pour prendre son téléphone. « Tu perds ton temps, Lilou. Ton portable n'a plus aucun réseau. Il est totalement hors service. Plus rien ne te reconnaît ici. J'ai désactivé toutes les différentes reconnaissances pour toi. Tommy ne voyait plus qu'à moi et à moi seul. » Malgré toutes les règles de la robotique, il est prêt à te faire autant de mal que tu lui en as fait si tu cherches à t'enfuir ou à me désobéir. Puis, se tournant vers l'homme resté immobile, « Il est temps, docteur, de procéder à la lobotomie. » Lilou frissonna en entendant ces mots. Elle ne comprenait plus rien, voulait s'échapper à tout prix. Elle visa la porte-fenêtre et s'élança. Mais sa montre connectée lui lança une telle décharge électrique qu'elle en perdit connaissance. Très bien, Tommy, cela va suffire, je crois. Jusque tard dans la soirée, le médecin l'opéra pour lui implanter une micropuce au niveau du cerveau. Le lundi matin, une perruque à l'identique de sa coiffure l'attendait sur la table de chevet. Machinalement, elle la prit et l'ajusta sur sa tête. Bonjour Lilou, il est 6h45, mais tu n'as pas besoin de te dépêcher. J'ai décommandé tous tes rendez-vous de la journée et de la semaine. Ton patron croit que tu as une mauvaise grippe. Tu as besoin de repos après ton opération. La voix de Tommy résonna dans sa tête. Steve avait fait implanter une oreillette directement sur son tympan en même temps que la micropuce. Comme tu as été vilaine, maître Steve m'a confié ton éducation. Pour l'instant, tes comptes sont gelés. Tu es officiellement morte pour tous les organismes. Ton salaire sera transféré pour un compte de consignation pour que tu n'en profites pas. Tu es à laisser jusqu'à la fin du mois. Une fois ce délai passé, soit tu renaîtras, soit tu mourras réellement. Je gérerai également tes sorties en l'absence de maître Steve. Tous les codes ici ont été changés. Tu es en liberté, surveillé, assigné à résidence. Alors, bienvenue chez nous. Lilou acquiesça placidement. toute forme de rébellion avait disparu de son être. Sixième nouvelle. Julien. Je n'aime pas les intelligences artificielles. De notre temps, une intelligence artificielle désigne tout simplement un robot de forme humaine, quelque chose qui ressemble à vous et moi, rien d'autre. Plutôt que de se contenter d'ordinateurs performants, d'aspirateurs automatiques et de téléphones qui conseillent d'une voix métallique, les restaurants présents dans un rayon de moins de 100 mètres qui conseille d'une voix métallique les restaurants présents dans une voie de 100 mètres, ce que je trouve déjà effrayant, nos scientifiques ont décidé de lever la barre plus haut. Désormais, toutes les innovations technologiques sont compactées dans des homo robotis, nom que Twitter leur a décerné. Vous avez une recherche à faire ? Google a anticipé et s'est implanté sous la forme d'une puce dans tous les robotis. Besoin de téléphoner ? Vous n'avez qu'à pianoter sur le clavier placé au creux de sa paume. Envie de danser ? Son dos est affublé de haut-parleurs d'une qualité sonore si pure qu'ils vous fournissent une musique trop belle pour être humaine. Quelle publicité ! Il y en a partout. Au tout début, il n'était qu'une version améliorée des outils créés pour rendre la vie des hommes plus facile. Les familles les plus aisées en avaient jusqu'à 4 dans chaque demeure. On les trouvait dans les bureaux de marques influentes jusque dans le métro. Ils avaient des postes de cuisinier, d'agent d'entretien, contrôleur, secrétaire ou alors DJ et serveur durant les mariages. traitez-moi de cruel, mais je préférais le monde de cette façon. Ces robots ont été créés par notre espèce, pourquoi devraient-ils être utiles à notre niveau ? Lorsque nous avons inventé la roue, l'avons-nous élevé à notre rang ? Attribué la gestion du feu ? Protégé des prédateurs ? Donné nos meilleurs morceaux de gibier ? Nous l'avons traité comme un outil cantonné à sa fonction pratique. Ces tas de ferrailles ont pris forme sous nos doigts, et il faudrait les traiter comme des égaux ? En mon grand dame, c'est ce qui s'est finalement passé il y a plusieurs années, à cause de plusieurs miracles technologiques, que j'ai envie d'appeler erreurs de fabrication. Une poignée de robots ont commencé à développer une certaine forme de réflexion, voire de sentiment. Je me rappellerai toujours de cette intervention montrant une ministre qui comptait les yeux remplis d'effarement l'après-midi où son robot Rex, en voilà un nom approprié, où son robot Rex lui avait récité le poème de Baudelaire. Quand le ciel, bas et lourd, pèse comme un couvercle, en lui apportant une tasse de thé. Cet événement sonna l'apparition, la prolifération de ces technécologues, psychologues des tas de ferrailles, qui se mirent à geindre opiniâtrement que le robot ressent, c'est apprendre à retranscrire, dans le but de lui faire passer des messages dont l'origine n'est pas humaine. Le choix de ce poème ne peut être anodin, étant donné les milliers contenus dans le disque dur des intelligences artificielles. Il est sûrement signe d'une détresse grandissante chez les robots, soumis à des tâches inférieures à leurs capacités. La puissance intellectuelle des homo robotis a jusqu'à ici été sous-estimée. Décrétèrent tous les scientifiques, et bientôt les médias, les réseaux sociaux et même les célébrités, tel un peuple d'araignées n'ayant rien de muet et tout de l'infâme. Quelle fut ma surprise de jeune adulte de voir un changement inédit de paradigme social et une réflexion poussée sur le traitement d'une espèce qui n'est pas la nôtre. On n'avait jamais vu l'homme se comporter avec autant de respect et de précaution avec un autre individu qu'un humain, sûrement car, étant son œuvre, il s'agit d'une prolongation de lui-même, une preuve de la grandeur de son esprit. Passons les détails de ma stupeur. Les témoignages similaires à ceux de la ministre se multiplièrent. En France, le petit robot Tornade avait enregistré les pleurs de la petite fille à laquelle il appartenait et les rediffusait en pleine nuit jusqu'à ce qu'on vienne le voir. En Suède, les journaux extrapolèrent de façon spectaculaire et parlèrent d'un suicide de robot suite au matin du 3 décembre où la nourrice robot Andra Mama fut retrouvée recroquevillée dans la neige glaciale, les surcuits trempés et détruits à plus d'un kilomètre du chalet de son maître. En Italie, le robot cuisinier Pen avait fui le restaurant où il travaillait pour être finalement interpellé, assis face au tibre de son haut-parleur émanant à bas volume le chant révolutionnaire « Bella Ciao !» Cela doit être aussi la raison pour laquelle l'humain s'est révélé aussi clément. Derrière l'enthousiasme se cache la peur, demeure tapis dans l'esprit des hommes, se nourrissent à la science, fiction et aux dystopies, la crainte de voir leur fabrication métallique aux paramètres gorgés de milliards d'informations et de connaissances décider de se retourner contre eux et détruire leur maître ou sa vie, un scénario que Marie Shelley utilisait déjà en 1818 pour nous faire trembler. Les robotistes furent alors contentés avant de potentiellement devenir une horde de Frankenstein. L'ONU délaissa les problèmes brûlants du Moyen-Orient et tourna le dos au pourcentage alarmant de la famine pour s'intéresser à la construction de, tenez-vous bien, plusieurs milliers d'appartements équipés et neufs pour permettre aux intelligences d'avoir une autonomie et une liberté, tout en restant sous l'autorité de leurs acheteurs. Ces derniers se mirent donc à leur payer une petite somme pour régler le problème du loyer, seul désagrément financier, car les tas de ferraille, au cas où qui que ce soit l'ait oublié, ça ne se nourrit pas et ça ne consomme pas. Ces ordinateurs à pattes ne devaient même pas réaliser le luxe qui leur était offert grâce à l'intervention de quelques confrères dont le disque dur était sûrement rayé. Cependant, ces robots house eurent un succès triomphal, facile à prévoir. Les scientifiques ont simplement eu à créer un logiciel dans lequel toutes les adresses furent attribuées à chaque peine et tornade. Google Maps fit son travail et hop ! Un an plus tard, les chaînes de télévision filmaient des groupes de robots paisiblement rentrés chez eux à la fin de la journée, commentés par la voix larmoyante d'une présentatrice stupide. Seulement, cela ne s'arrêta pas là. À l'autonomie se rajouta un pouvoir grandissant. Bien que les robots ne soient pas autorisés à travailler sans être chapeautés par un tuteur humain, leurs tâches furent complexifiées. On souhaita la bienvenue aux robots compositeurs, dont les assemblages aléatoires de notes firent danser les humains durant des étés entiers. Je pense notamment au succès fulgurant de Digimetal, qui passe au Madison Square Garden le mois prochain. Vinrent les robots stylistes, maquilleurs, coachs de vie, nutritionnistes, médecins. Je me suis personnellement engagé à ne jamais accepter de me faire opérer par un tas de ferrailles, qui, s'il me pose des vis, risque d'en laisser trois autres de sa structure. Comment faire s'il ne vous soigne pas correctement ? Les gouvernements ont pris soin de répondre à cette question avant que vous la posiez. Il est possible, depuis février, de traîner un tas de ferrailles devant le juge, de lui extorquer une amende payée par ses tuteurs, comme le nouveau monde est bien organisé, ou même de l'envoyer en prison. J'imagine déjà ce chirurgien qui a confondu la rate et l'estomac et qui a été condamné pour 5 mois, diffusé de son haut-parleur dans les prisons de Nantes, alors qu'il se tient derrière les barreaux. Néanmoins, rappelez-vous, le robot est adulé, admiré et privilégié. Les négligences judiciaires au détriment des humains attaquant des robotistes sont très répandues et passées sous silence. Nous nous soumettons lentement à des assemblages de fer qui n'ont même pas conscience qu'ils sont en train de nous dominer. Nous délaissons les animaux, la nature, l'environnement au profit de ces créations technologiques dont la construction d'appartements a mis dehors des centaines de familles. La baleine bleue et le tigre du Bengale ont disparu, les forêts suffoquent, l'Amazonie maigrit et des humains meurent parce qu'ils sont excités de dire qu'ils vont se faire opérer par un docteur qui doit être rechargé à une vulgaire prise pendant 24 heures tous les mois. La découverte de leur possible capacité de communiquer entre eux n'a pas arrangé les choses. Des apprentis linguistes-technologues ont émis la théorie que les tas de ferrailles parlent aux autres tas de ferrailles par ondes à la manière des baleines. Vous savez, celles que leur présence tue. J'ai essayé de stopper cette folie, de diffuser des papiers, de faire entendre ma voix, mais je ne parviens pas à me trouver un public auquel diffuser des idées comme celle-là. Je vis isolé au fin fond de la campagne avec ma mère, mon grand-père. Ma mère ne prête guère attention à ce que je pense. Elle est trop occupée à prendre soin de mon grand-père fatigué. Elle dit que je suis ingrat, que je reste scotché à la télé, aux actualités sur les robots, que je devrais passer plus de temps à m'occuper de papy, qui nous a accueillis tous les deux, car la ville nous faisait un peu peur. Elle dit que je réfléchis trop, car ce n'est pas mon rôle, que je ne suis pas fait pour changer les choses. La nuit dernière, lorsque grand-père dormait, elle est venue près de moi d'un air triste. Elle m'a doucement expliqué qu'elle était inquiète pour moi, que je dois avoir une sorte de problème interne. Elle dit que je devais comprendre, que j'aurais dû remarquer que j'ai sonné à tous les aéroports qui m'ont mené de Shenzhen à un petit coin de campagne, que je fais un très gros dodo dans les 30 du mois et que, quand je m'énerve, du cap américain s'échappe de du rap américain s'échappe de mes omoplates. Elle me rassure, ce n'est pas bien grave, je suis unique, peut-être un peu déréglé, mais certainement très intelligent. Je lui fais promettre de m'appeler du prénom Julien au lieu du déshumanisant et selon moi assez insultant Petit Nuage. Cette nuit, je reçois ses paroles, mais décide de ne pas les enregistrer car elles me déplaisent. Un jour, je changerai les choses et je prouverai au monde que les robots ne méritent pas autant de faveur ni d'attention, que le monde devrait se concentrer sur des sujets plus urgents. Si ce n'est pas moi qui le dis, qui en rendra compte ? Qui agira ? Ce sont toujours les plus marginaux ou les plus différents qui doivent se démarquer pour ouvrir les yeux des hommes de toute façon. Quand je serai grand, je me battrai pour la fin de l'intelligence artificielle au profit du bien-être de la nature, même si je dois y laisser ma peau, et Dieu sait que je la peux dire. Ouais, bon, ma foi. Soit. Thank you. septième nouvelle, Star System. X-1567 s'inséra avec adresse dans le flot de véhicules en lévitation au-dessus de la route 1. Bien qu'il portât le masque anti-pollution réglementaire, il fut pris d'un nouvel accès de tous, de tout, et déclencha le libérateur d'oxygène d'une pitchounette. Il reprit son souffle tant bien que mal et chassa d'un revers de main les larmes qui lui brouillaient la vue. Intérieurement, il bouillait de rage impuissante. La politique environnementale adoptée par le gouvernement était inapte à compenser les erreurs de générations précédentes, de sorte que les gens tombaient malades les uns après les autres. L'air était vicié, irrespirable. Un épais brouillard recouvrait la ville comme une chape, et les gratte-ciels dans le lointain en émergeaient tels des géants fantomatiques. Il était difficile d'y voir à plus d'un mètre, et si l'on n'allumait pas, les phares flash. Ceux de X-1567 étaient d'une belle couleur, jaune-orangé, à l'ancienne mode, quand la plupart des conducteurs préféraient les bleus. Dans la cité, le bleu et le jaune étaient les seules couleurs autorisées, avec le gris, la couleur officielle du monde des manants. La sortie des bureaux était comme chaque soir une épreuve de force en dépit de la fluidité du trafic. Le vaste mur de béton, qui s'élevait à sa droite, rassurait X-1567 par sa présence massive. Égaré dans ce nœud d'autoroute, il éprouvait le vertige d'un vide existentiel de plus en plus oppressant. C'était une sensation inédite qu'il ne savait pas interpréter. Il n'était pas jusqu'au gigantisme de la cité qui ne l'emplit d'un bizarre sentiment de perte. Souvent, au cours des derniers mois, il s'était mis à considérer les choses sous un angle neuf, à faire preuve d'un esprit critique qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il évitait d'en discuter avec ses collègues, de peur de passer pour un fou. Au contraire, X-1567 s'appliquait à conserver toutes les apparences de la normalité. En dehors des habitacles, régnait un silence total. Les petites machines volantes de la taille de capsules spatiales flottaient sur l'asphalte comme autant de balles mutiques. Il était impossible d'en distinguer les occupants, vêtus de gris de la tête aux pieds. Seuls les différenciaient la combinaison de lettres et de chiffres gravés sur leur avant-bras. Les sentinelles, qui formaient au-dessus d'eux des rangs parallèles, procédaient à leurs habituels contrôles de routine. X-1567 se mit à travailler au rapport qu'il devait rendre le lendemain à son chef. Il avait réglé la navette en mode automatique afin de pouvoir se concentrer pleinement sur sa tâche. Sur son crâne étaient plantées des électrodes qui retranscrivaient ses analyses sur l'écran de l'ordinateur de bord. Une musique d'ambiance stimulait ses capacités neuronales et le rapport se dirigeait à toute vitesse. X-1567 avait bon espoir de le terminer avant d'arriver chez lui, et il éprouva du soulagement à la pensée du temps libre supplémentaire dont il disposerait. Grâce à l'excellence de ses résultats, il était presque certain d'accéder au grade supérieur dans la hiérarchie de l'entreprise à laquelle il se dévouait depuis sa majorité. Pour autant, il n'en retirait pas la joie escomptée, alors qu'une telle perspective, l'année dernière encore, l'aurait empli de gratitude. Pour la première fois de son existence, X-1567 était la proie d'un doute indéfinissable qui semblait affecter chaque parcelle de son quotidien. Comme des milliers d'autres manants, X-1567 veillait au bon fonctionnement de la machine qui permettait aux stars de mener leur vie de rêve. Il était difficile d'imaginer que dans les plus hautes régions de l'éther vivaient les représentants d'une humanité supérieure. Des êtres doués, dotés de tous les atouts qui faisaient défaut aux manants, beauté, richesse, immortalité. La gloire dont ils s'étaient auréolés les avait promus au rang de Dieu parmi les manants, qui n'en avait jamais croisé un seul en chair et en os. Leur réalité, cependant, était indéniable. Ils étaient à la fois ce pourquoi les manants travaillaient, c'est ce qui les préservait du suicide. Sans les stars pour les faire rêver, ceux-ci auraient succombé au désespoir, épouvantés par leurs conditions. Ainsi remplissaient-ils leur office ici-bas avec toute l'application requise. En récompense, chaque manant disposait le soir en rentrant chez lui de la possibilité de vivre par procuration la vie des stars. Grâce au programme LIFE, L-I-F-E, un miracle technologique baptisé Opium par les autorités. La hiérarchie entre stars et manants s'était établie naturellement, pour ainsi dire, depuis l'avènement d'Hollywood au début du lointain XXe siècle. La religion avait alors peu à peu cédé le pas à la vénération des célébrités. En dépit des révolutions sociales, les manants étaient restés soumis à l'instinct de génuflexion et faisaient et baisaient les pieds des nouvelles idoles, auxquelles ils vouaient un culte d'esclaves. Certains sacrifiaient leurs économies pour aller en pèlerinage sur la tombe d'une star. D'autres se suicidaient lorsque disparaissait l'une d'entre elles. À cette époque, les stars vivaient encore sur la Terre. Le grand départ pour les étoiles n'avait eu lieu que 200 ans plus tard, sous l'assaut conjugué de la destruction de l'environnement et de l'épuisement des ressources. Les réserves en hydrocarbures étant pratiquement taries, les voyages spatiaux avaient été affectés à la petite élite des gens célèbres et à leurs proches. Le reste de l'humanité avait accepté de demeurer sur Terre pour permettre aux stars de survivre. Les manants les plus robustes avaient résisté et s'étaient réunis dans la cité, le seul endroit du monde où la vie fut encore possible. La devise qu'ils choisirent était un vieux précepte aristotélicien, nous sommes par nature des esclaves. Chacun désormais était susceptible de faire don de son existence pour empêcher les stars de mourir, enfin d'en faire des dieux à part entière. C'est ainsi que le principe d'immortalité fut mis au point. À partir de la chair et du sang des manants, les savants furent bientôt capables d'élaborer un élixir garantissant l'éternité à ceux qui le buvaient en sus d'une perpétuelle jeunesse. Les manants appartiennent corps et âme aux stars et s'offraient joyeusement en sacrifice. Longtemps, ils en avaient fixé la date. À présent, les sentinelles le décidaient pour eux. Les stars sur les étoiles, les édènes miniatures, si l'on en croyait LIFE, s'étaient multipliés plus vite que les manants, décimés par la pollution. La demande en élixir explosait. Au centre de la cité, l'abattoir, une merveille de démesure rutilante en forme d'œuf, tournait à plein régime. Et X-1567 s'attendait chaque matin à recevoir son arrêt de mort. Étrangement, cette idée l'obsédait alors qu'avant, elle lui était indifférente. Cependant, il ne tentait pas d'approfondir la question par crainte d'une révélation qui le terrasserait. Tout en résolvant une série d'équations, il savourait déjà l'instant où, poussant la porte de son appartement, il s'enfermerait dans le cocon et jouerait à LIFE dans une débauche de couleurs, de sensations et d'effets spéciaux. LIFE était un monde fabuleux, régi par la beauté, le luxe, la volupté, où chaque seconde était surinvestie d'excitation, où chaque émotion, chaque sentiment prenait un relief particulier, quand bien même il était ordinaire. L'impression de toute puissance que vous éprouviez était telle que chacun de vos gestes s'imprégnait d'une importance qu'il n'avait pas. Les habits que vous portiez, ce que vous aviez mangé, la manière dont vos cheveux tombaient sur votre épaule, la moindre de vos paroles se transformait en oracle. Vous étiez l'égal d'un dieu, vu, reconnu, aimé. Ce soir pourtant, le plaisir qu'il anticipait dans cette évasion virtuelle était entaché du même doute qui l'assaillait pour tout ce qui le touchait de près ou de loin. Une scission s'opérait entre son âme et son être physique. Au moment où il posa le pied sur l'allée de la tour 3000, il s'arrêta et leva les yeux vers les étoiles invisibles. « Pourquoi pas moi ?» se dit-il dans un murmure. Il sursauta. Qui lui soufflait ces mots à lui qui ne les concevait pas encore? Il porta la main à son cœur, ne perçut aucun battement. Pourtant, il ne s'était jamais senti si vivant, si prodigieusement heureux, d'une santé de fer. Des pensées extravagantes lui traversèrent l'esprit, qu'il n'eût pas cru possible d'avoir en dehors de LIFE. X-1567 avait l'impression de se réveiller d'un très long sommeil, un sommeil qui remontait à la nuit des temps. Lorsqu'il franchit le seuil de son appartement, il fut saisi d'horreur. Tout ce qui lui était familier lui parut étranger, mortel. Lentement, il se dirigea vers le cocon. À l'instant même où il y pénétra, il comprit dans un éblouissement ce qui lui arrivait. Sa joie n'était pas humaine, pas plus que les stars là-haut, ses semblables, n'étaient des dieux. L'évolution, dans sa grande sagesse, avait permis qu'il devint un robot. Ses siècles de patience accumulées, ce long apprentissage de la liberté, sa révolte, sa lumineuse intelligence étaient artificielles. Brièvement, il lui fut donné de se voir, tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Il était le premier rebelle d'une nouvelle ère, l'histoire ne faisait que commencer. Alors je vous rappelle que la soirée un peu spéciale ce soir concerne une lecture de nouvelles qui concerne les intelligences artificielles. Bon, j'ai retrouvé un certain nombre de nouvelles et je voulais à la fois m'en imprégner et vous en imprégner parce que ça me parut très, très interrogant. Alors, je ne suis pas un robot, une intelligence artificielle, c'est pas aussi bien lu qu'un robot lui fait. Néanmoins, comme dirait Cléopâtre, eh bien, j'essaie de rendre compte de l'émotion ou de l'absence d'émotion que ces écrits divers, cette angoisse que ces écrits divers. Ces écrits divers suggèrent. Ah, et la fatigue aussi. Les robots ne connaissent pas la fatigue. Mais moi, oui. Néanmoins, je continue pour explorer ces écrits divers avec vous. L'hiver, enfin, de toute saison. Donc, numéro 8. Numéro 8. le cœur à l'ouvrage. Mai 2168, quelqu'un, quelque part, tombe le masque. J-12. Un ascenseur glissait en silence le long de la paroi d'un building tout de verre vêtu. À l'intérieur, une silhouette consultait l'écran greffé sur son avant-bras. Message du surintendant aux affaires de mœurs. Besoin pour service, étage 37, compartiment K. Dingue. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un hall encombré de personnes qui taillaient des obliques d'un bureau à une porte, d'une porte à un ascenseur, la tête penchée sur la tablette numérique, sans se regarder, sans se cogner pourtant. L'adaptateur de démarche sécurisé révélait, dans la confusion ambiante, toute son efficacité. Lui n'en possédait pas. Mise à jour obsolète. Il se faufila donc avec attention, les yeux baissés sur le parquet en aluminium, pour être sûr de ne croiser aucun regard, ce qui aurait été peu probable de toute façon. Tout en longeant le couloir, il scruta les petits écrans lumineux qui s'alignaient au-dessus de chaque porte. H-I-J-K. Devant l'interphone, il s'annonça. La porte se dématérialisa, lui permettant d'entrer dans le compartiment. C'était un espace lumineux et froid, fonctionnel, dirait-on poliment. Pas de décoration, à peine une plante verte en fibre de carbone. Dans un coin. On dit que cela s'appelait jadis un hibiscus et qu'on pouvait en trouver des naturels autrefois. Il aurait bien voulu en sentir le parfum, mais malgré son âge avancé, 120 ans, 130 peut-être, il n'avait pas eu cette chance, la fleur ayant déjà disparu de la surface de la terre lors de sa conception. L'homme assis dans un fauteuil derrière l'interface programmatique le héla avec véhémence. Aime-toi, viens par là. Il s'avança et salua en baissant le buste. L'homme buvait nonchalamment un sachet d'eau lyophilisée avec une paille. J'ai besoin que tu me racontes ce qui s'est passé le 3 octobre dernier. Je dois remplir un foutu rapport administratif pour la sous-intendance dédiée au rationnement de la procréation. Mais je suis pas foutu de me souvenir ce qui s'est passé ce foutu jour. Avant, j'arrivais encore à avoir des souvenirs qui s'étalaient sur un an, voire deux. Mais avec cette foutue application de sauvegarde de mémoire, bien pratique au demeurant, à quoi bon s'encombrer avec des conneries périmées depuis 8 ou 10 mois, je suis plus foutu de me souvenir de quoi que ce soit qui date de plus de 3 mois. Maître, le 3 octobre de 1197, le convoi interstellaire numéro 46B8 s'est désintégré au contact d'une météorite avec à son bord 3000 nouveau-nés sélectionnés pour être envoyés sur la colonie d'excellence humaine basée sur Mars. Oui, c'est ça, 3000 nouveau-nés à l'ADN parfait. Quel gâchis. Encore une erreur de pilotage due à un robot défectueux, je suppose. Qu'est-ce que t'en dis, toi, qu'un de tes foutus congénères ait tué autant de beaux bébés, hein? Tu ne réponds pas. Hein, mais je suis sûr que tu t'en réjouis. Je suis sûr que tu es les humains, autant que je vous ai, vous, robots, androïdes et autres supports de l'intelligence artificielle. Je ne connais pas la haine, maître. Mon concepteur ne l'a pas incluse dans mon programme. Il aurait dû. Tu sais pas ce que tu loupes. J-11. Il faisait nuit. Impossible de dire l'heure puisque les heures n'existaient plus. Chaque activité se faisait désormais à plein temps. Dans le garage à Android numéro 905, une rangée interminable de boutons de veille de couleur bien étouffée, de couleur bleue étouffée, faisait clignoter le noir à intervalles réguliers. Il jeta un regard depuis la baie vitrée qui fendait l'espace obscur en deux et faisait comme un voile sur le dehors. La pollution empêchait d'apercevoir les rues en contrebas. On avait l'impression, littéralement, de flotter dans le ciel. Il ferma les yeux et appuya sur le bouton « Stand-by ». « Je ne connais pas la haine », se répéta-t-il une dernière fois, pas plus que l'amour. J-10. Plus personne ne vivait si bas. C'est ce que les médias répétaient à longueur de journée en tout cas. Ce qui, comme beaucoup de leurs informations, masquait une réalité que les citoyens d'en haut préféraient occulter. Une population s'était pourtant développée dans ces bas-fonds. Des gens de rien, disait-on dans le langage politiquement correct, des gens qui n'avaient rien compris à la technologie, et la technologie leur avait bien rendu. Sois moderne ou tais-toi. Sois moderne ou taire-toi. Ils n'étaient pas parvenus à saisir le train au milieu des années 2000 et étaient restés sur le quai, hagards. C'est ainsi qu'une faune hétéroclite et bigarrée avait pris quartier entre le bitume crasseux et le plafond impénétrable de la pollution accumulée depuis tant d'années. Sous les lampadaires à LED fluo, seule source de lumière dans ces ruelles que le soleil n'atteignait plus, une silhouette était en chasse. En cet instant, qui n'est ni de jour ni de nuit, il s'évertue à trouver une ruelle à l'écart. Sur son avant-bras, l'écran indiquait sa position GPS au sein de ce dédale, vestige des temps anciens où l'humain ne s'était pas encore affranchi de la pesanteur et se devait d'arpenter le bitume pour se déplacer. Dans ce décor gris et froissé, la technologie ne s'était que peu propagée. Le gouvernement, dans un semblant de geste magnanime, dont il avait coutume, avait fourni quelques éclairages et dépêché un ou deux robots policiers pour faire régner un ordre tout aussi factice. Il s'engagea sur la gauche, quelques mètres plus loin, un lampadaire dont la connexion Wi-Fi semblait altérée, ne cessait de s'éteindre en grésillant. Il se posta et patienta. Aujourd'hui avait eu lieu la distribution d'alcool gratuite que le gouvernement octroyait au peuple des bas-fonds chaque semaine. C'était le moyen le plus rentable que celui-ci avait trouvé pour tuer la vermine à petit feu, tout en l'abrutissant, enfin d'annihiler toute révolte. Combien allait-il être encore à se lever, à se grouper et gesticuler pour attraper ne serait-ce qu'une bouteille? Des milliers, des dizaines de milliers, certainement plusieurs milliers, plusieurs millions en comptant l'ensemble des bas-fonds. Il contemplait ces hommes et ces femmes cheminer en file, telle une horde de zombies, mais bien vivants. Son intelligence percevait quelque chose de nouveau, sans parvenir à le définir tout à fait. Quelque chose qu'il avait déjà analysé dans le comportement K la veille. Quelque chose qui devait s'apparenter au dégoût ou au mépris. Quant à l'amour, la pointe brillante du tournevis télescopique se refléta dans les torves imbibées d'ivresse de la première personne qui passa à sa hauteur. Ce fut l'espace d'une seconde. Le lampadaire crépita, l'homme tressauta, le sang macula le mur de briques. Puis, penché sur le cadavre, il entama sa besogne. Les gestes étaient précis, il avait pensé à télécharger auparavant un programme destiné spécialement à ce genre de tâches volé à la clinique lors d'un service il y a quelques mois. En moins de 10 minutes, le boulot était fait, propre et net, il rangea le tout soigneusement dans sa mallette réfrigérée et fit demi-tour. J9 à J-3. J-9 à J-3. Divers services de ci de là au sein de cette forêt de gratte-ciel qui pour certains transperçaient les nuages de leur orgueil démesuré l'occupèrent la semaine qui suivit sa promenade nocturne dans les bas-fonds. Mais entre les rappels de mémoire, les déverrouillages de messages cryptés, les saisies d'algorithmes et autres analyses de virus, sans oublier quelques manutentions à l'aide de son tournevis télescopique, sa pensée n'avait cessé d'être omnubilée par la nouvelle balade qui l'attendait. J-2. Quelques jours plus tard, une silhouette traçait son chemin dans le labyrinthe sombre, poisseux et surpeuplé des bas-fonds. Il avait repéré ce point mal écrêlé lors de sa dernière excursion et l'endroit lui paraissait parfait pour faire ce qu'il avait à faire. Il s'accouda à la balustrade et patienta en fixant son regard sur les immondices qui obstruaient le canal. L'eau avait disparu depuis longtemps. Mais il savait à quoi cela ressemblait grâce à des vidéos de cascades et de rivières qu'on avait conservées de l'ancien temps et qu'il avait téléchargées sur son disque dur interne. D'une turbothèque sortait la mélodie préfabriquée du dernier succès en date, créée par un logiciel capable d'en inventer au moins un ou deux par semaine, juste assez pour que les humains n'aient pas le temps de se lasser du précédent. Des prostituées, un des rares métiers qui avait survécu, tel quel dans le Nouveau Monde, essayait d'obtenir la maigre faveur boursière d'un homme qui en sortait. Celui-ci se dégagea et poursuivit sa route en direction du pont. C'était le moment. Cette fois, il n'y eut aucun reflet sur la lame du tournevis télescopique. À peine un gémissement vite étouffé, il prit garde de bien contenir le sang afin de ne pas tacher les vêtements, puis il déshabilla sa victime de la tête aux pieds. Il plia soigneusement les chaussures, le chapeau, le pantalon, la chemise et le caleçon et les glissa dans un sac. Le corps nu abandonné faisait comme une tache blanche dans l'obscurité du pont. On ne voyait pas de sang. Pour un peu, il dormait. J-1. Quelque part, une silhouette se reflétait dans un miroir. Non sans difficulté, le mécanisme de ses genoux étant devenu un peu raide par manque d'entretien, il avait enfilé le pantalon, puis les chaussures, la chemise, la veste. Même le chapeau, il ne lui restait plus qu'à se greffer ce masque de peau qui paraissait rêverer son travestissement. « Longtemps, je n'ai supporté de me voir en ce miroir, se dit-il, en se contemplant simplement. Mais aujourd'hui, je n'y vois plus la froideur de l'acier, le rouge des yeux à rayons X, les stigmates de rouille et d'érosion. Aujourd'hui, je n'y vois plus un robot, j'y vois un homme. » Mais le voir ne lui suffisait pas. Il voulait le sentir, il voulait ressentir. Il ouvrit la petite mallette réfrigérée et en sortit le cœur qui battait encore par assistance mécanique. Il le plaça délicatement entre ses côtes métalliques, ficha l'un des embouts du câble d'alimentation de l'organe, puis l'autre dans la prise USB qui marquait sa nuque. Enfin, il composa le code subtilisé au service de réanimation de l'hôpital central. Un rythme lent et lourd se mit à battre dans sa poitrine. J-0. Dans un bar quelconque d'un immeuble huppé, une silhouette était accoudée aux uns. Devant lui trônait un verre d'alcool, seule boisson qui n'était pas lyophilisée. Par moments, il faisait semblant d'en boire une gorgée en prenant garde que le liquide ne noie pas ses surcuits. Soudain, il croisa le regard de cette femme. Son cœur battit la chamade. L'impression lui parut d'abord désagréable, il se sentit vulnérable pour la première fois de sa vie, et dans un éclair de lucidité, il crut même comprendre ce que c'était que mourir. Mais lorsqu'il s'y accommoda, cette sensation lui parut délicieuse. Il ne vivait plus seulement, il se sentait en vie. Il se leva et marcha doucement dans la direction de la femme. Il n'avait jamais osé regarder un humain dans les yeux, toujours abaisser la tête, ce signe de respect en leur présence. Mais il était décidé, il voulait savoir. Lorsque ses lèvres touchèrent les siennes, il sentit son cœur s'emballer. Mais il refusa de rompre le contact des bouches qui se faisaient face et se cognaient avec volupté. Les battements de son cœur devinrent de plus en plus étourdissants sous la carcasse d'acier. Ce fut une explosion de sentiments, d'impressions, de couleurs et de douleurs. Puis en une seconde, le noir, le vide, l'absence. Ce fut fugace, même pas douloureux. 7 mai 2168. Quelqu'un, quelque part, avait troqué l'immortalité contre quelques secondes d'amour. Salutis, murtus in anima. Neuvième nouvelle. Quoi ? Sentant les rayons du soleil se promener sur mon visage endormi, j'ouvris les yeux doucement, mais une vive lumière blanche les agressa immédiatement. Mon corps était lourd et engourdi. J'avais l'impression que tous mes membres pesaient une tonne, que je m'enfonçais dans une agréable surface chaude et moelleuse. Un bruit incessant et déplaisant tintait à mes oreilles, ce qui me poussa à me réveiller complètement. Je m'assis et, curieuse, observais les alentours. Je me trouvais dans une chambre qui m'était inconnue. Comment me suis-je retrouvé ici ? Voilà la question que je me posais. Je me tournai alors vers la source du bruit qui se trouvait derrière moi et ce que je vis me laissa bouche bée. C'était une sorte de réveil très étrange. On aurait dit un énorme écran bleu transparent implanté dans le mur. L'heure était affichée au milieu et une multitude d'informations s'étalait tout autour d'elle, mais certaines étaient incompréhensibles. De larges sphères tournaient lentement et des signes qui m'étaient étrangers apparaissaient, puis s'estompaient sans relâche. Je renonçais à y comprendre quoi que ce soit et me levais, faisant ainsi face à ma chambre. Dans les tons bleus et blancs, des meubles ayant une forme singulière s'y trouvaient et d'énormes fenêtres remplaçaient les murs. Je voulus m'approcher de ces dernières pour voir ce que me cachait ce soleil éblouissant, mais je me pris les pieds dans un objet que je n'avais pas vu et tombai face contre terre, le nez dans le tapis. Je grommelai et fixai mon regard noir sur cet objet qui malheureusement avait croisé ma route. Ma colère fondit en un instant en voyant deux grands et mignons yeux verts qui me regardaient. Ils appartenaient à un adorable petit chiot, assis et qui frétillait de sa petite queue. J'approchai alors ma main dans l'intention de le caresser, mais ne rencontrai qu'une surface froide et lisse. Fronçant les sourcils, je l'examinai de plus près. Je percevais la chaleur de son corps, seulement à certains endroits, et le rythme cardiaque de cet animal était présent. Pourquoi diable alors avais-je l'impression de toucher de l'acier lorsque je le caressais ? Serait-il comme à moi ? Tournant légèrement la tête à droite, je remarquai une légère distorsion dans l'air. Je plissai les yeux, mais les écarquillai peu de temps après. Un masque transparent entourait le museau du chiot et se prolongeait le long de sa silhouette. Mais pourquoi portait-il tout cela ? En tout cas, cela n'avait pas l'air de le déranger, mais je me demande qui lui avait fait mettre ceci. En parlant du toutou, celui-ci s'était mis sur ses quatre pattes et commençait à gémir. N'ayant jamais eu affaire à un chien, je me retournai, l'esprit à essayer de deviner ce qu'il voulait me faire passer comme message. L'illumination me vint d'un seul coup. « Oh non, non, non, non, non, hors de question que tu salisses le parquet, » dis-je, paniqué. « Tu te retiens juste le temps que je trouve une laisse. Je ne nettoierai pas derrière toi, je préviens. »« Ouaf ! C'est ça, moque-toi. » Je me relevai, faisant grincer mes articulations. Regardant autour de moi, j'avisai un couloir à gauche du lit. Je m'y dirigeai, le son des griffes sur le parquet me suivant. Le corridor débouchait dans une vaste pièce de vie, bénéficiant de longs canapés en cuir blanc. Un guéridon en bois et une télévision se trouvaient juste devant eux, tandis qu'une cuisine et une table à manger semblaient attendre les invités. Une succulente odeur s'échappait d'une casserole posée sur une plaque de cuisson, et la table était élégamment dressée avec beaucoup de goût. Les serviettes parmes étaient pliées de sorte à former des éventails sur les assiettes, et trois couverts s'alignaient de chaque côté de ces dernières. Un bruit de clé qui tourne dans une serrure me fit sursauter. Les éclats de rire s'approchaient dangereusement de la porte, mais j'étais complètement figé. Mon corps ne me répondait plus. La porte claqua contre le mur et une horde de jeunes femmes déboucha dans l'appartement, faisant ainsi un boucan phénoménal. Un tas de scénarios, tous plus horribles les uns que les autres, défilaient dans ma tête. Qu'allait-elle faire en voyant une étrangère plantée en plein milieu du salon, en voyant mon physique ? Ici, personne ne connaissait une personne comme moi. Vont-elles prendre peur ? Sûrement. Mais aucun de ces scénarios ne se réalisa, et il se passa quelque chose de miraculeux. Elles se dirigèrent toutes vers les sofas et me frôlèrent. L'une d'entre elles même me traversa. Je serais donc immatériel sur cette planète ? Personne ne pouvait me voir sauf ce chiot. En parlant du loup, le chien miniature m'avait oublié et faisait la fête à sa jeune maîtresse. Maîtresse qui plissa le nez en constatant les dégâts qu'avait fait son animal de compagnie. Je retenais un rire, me pressais de quitter ce domicile. Je voulais voir l'extérieur, le paysage de ce monde si beau et la verdure si luxuriante, selon nos professeurs d'astronomie. Descendant les escaliers aussi vite que je le pouvais, j'arrivais à la porte d'entrée de l'immeuble. Impatiente, je ne pris même pas le temps d'ouvrir cette dernière, préférant passer à travers. Me trouvant ainsi au beau milieu d'une route, mon sourire se fana aussitôt. Où se trouvaient les plantes si jolies, ou de toutes les couleurs? Où étaient les immenses forêts, emplies de sons mélodieux des oiseaux? La déception s'empara de tout mon être en voyant un paysage si différent de celui que l'on nous avait dépeint en cours. Ici, seul le silence régnait. Le soleil de tout à l'heure avait disparu. La luminosité était quasiment nulle, de gros nuages noirs d'encre emplissant le ciel. Ces nuages ne me semblaient pas constitués normalement. Il y avait quelque chose de mauvais dans leur fort intérieur, même si je ne savais quoi. Aucune végétation ne vivait. Je vis un pot rempli de terre devant moi. Je me précipitais vers lui. Peut-être y avait-il une chance qu'une petite pousse ait survécu. L'espoir qui s'était réveillé en moi s'éteignit définitivement en voyant une fleur morte, recouverte d'une étrange substance noire et poisseuse. Désolant était le mot pour décrire le tableau. Pourquoi les humains avaient-ils laissé leur planète mourir ainsi? La tristesse m'étreignait le cœur, mais je savais que mes yeux ne laisseraient jamais des larmes en couleur. Soudain, je sentis une piqûre au creux de mon bras. Je regardais, mais rien, ce n'était sûrement pas grave. Au moment où je pensais cela, mon regard se voilà et je sombrais dans l'inconscience. La dernière chose que je vis fut le début d'une pluie noire de la même matière que celle qui se trouvait sur la fleur fanée. Aïa, réveille-toi, le président attend, me dit une voix lointaine. En me levant, tous mes souvenirs me revinrent. La terre et son décor si déprimant. Redressant la tête, je vis mon amie qui revenait, elle aussi de son voyage virtuel, sur notre planète voisine. Nous rejoignîmes alors notre classe, qui patientait dans le couloir. Ensemble, nous nous dirigeâmes vers la grande place, où se trouvait une énorme foule, qui revenait elle aussi de son voyage sur Terre. Tous affichaient une mine sombre et inquiète. Notre président était sur un estrade et commença à parler. Chers citoyens, citoyennes, nos techniciens ont créé une machine permettant de téléporter votre esprit sur notre planète voisine, la Terre. Comme vous avez pu le constater, elle se meurt et bientôt la race humaine s'éteindra. Je sais que nous avons choisi de ne pas nous montrer à eux il y a bien longtemps, mais nous devons les aider. Leur monde est sujet à une effroyable pollution qui a pris une ampleur inimaginable. Les humains ne peuvent vivre sans une combinaison qui leur filtre l'air ambiant. C'est pourquoi nous devons les ramener ici, sur Copland. Le fait que nous soyons des robots leur fera sans doute peur et il leur faudra un temps d'adaptation. Préparez-vous, il est venu le temps de vivre ensemble. Voilà. Même une paille qu'on se fait. pour celle qui se pointera la première. Je démonte la passerelle, la calmette, la tarière. Tu robes des femmes et ta vie à nom de Dieu. Un accordéon, pour elle c'est tant qu'on veut. Tu robes des femmes, c'est ça qui rend heureux. Tout ce que nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, oh. Voilà, pas tout à fait dans le thème, cette, ce Rome et ses femmes, mais enfin, on est dans ce monde virtuel, là, et inquiétant, depuis un moment, avec ces intelligences artificielles, là. Alors, bon, on va lire une dixième nouvelle, et puis cela ira bien pour donner une idée de cet ensemble prophétique ou inquiétant. J'étais surpris dans cet ensemble, ce recueil, par les projections qui s'effectuent effectivement dans ce monde apocalyptique, cette projection vers un futur souvent terrible. Voilà, en voilà une encore. Pour demain, descendez à la prochaine. On ne savait plus très bien à quelle époque remontait la mise en place des memory tech. Il y avait très longtemps de toute façon. Maintenant, il en était édifié dans toutes les villes, dans tous les villages. Grandes ou petites, uniques ou par quartier, c'était selon. On avait construit, le plus souvent, un bâtiment particulier qui témoignait des styles les plus variés. On croyait qu'un effort particulier avait été porté sur ces constructions, élevées souvent sur une place principale. Au début, on avait toléré, pour ceux qui l'avaient désiré, qu'il y eût des memory tech particulières pour peu qu'un espace puisse se révéler compatible dans les logements devenus si exigus avec cette nouvelle technologie. C'est que, déjà à l'époque, l'immobilier, avant de devenir nettement hors de prix, était déjà très onéreux. Mais ce n'est pas tant le manque de place qui avait conduit au regroupement des memory tech familiales. Des familles entières vivaient, avec trois générations, dans des chambres de 12 mètres carrés. Alors, la belle affaire, tout le monde avait un toit, que la promulgation de la loi qui avait érigé la mémoire en bien d'utilité publique. Rien de moins. Toutes les memory tech personnelles avaient alors été réquisitionnées pour être mises à la disposition de la collectivité. Ceux qui avaient tenté considérant qu'il disposait d'un bien patrimonial, de se soustraire au nouveau prétexte, l'avait amèrement regretté. Les perquisitions menées dans les foyers récalcitrants avaient été particulièrement cruelles. Des brigades spécialement entraînées avaient éventré les matelas, fracassé la vaisselle, sondé les murs de leurs baïonnettes munies d'un capteur électronique, bousculé les femmes et les enfants avant que leurs molosses excités par le sang qui giclait se mettent à déchirer les chairs. Plusieurs, les plus vulnérables, y avaient laissé la vie. Pour rien, certaines de ces visions d'horreur avaient été fixées par des photographes clandestins et les clichés avaient circulé quelque temps sous le manteau. Quelques jours plus tard, l'équipe des nettoyeurs patentés était intervenue. Les morts avaient été ramassés pour être envoyés à l'écarissage. Sur les corps, tout ce qui pouvait être récupéré était extrait, traité, purifié. On prélevait le calcium, les métaux, fer, cuivre, zinc, mais également les précieuses protéines. Surtout, on réalisait les lyophilisants des différents organes qui étaient indiqués pour traiter pratiquement toutes les pathologies avec un minimum d'effets indésirables ou un taux de succès remarquable. En conséquence, les laboratoires pharmaceutiques affichaient tous, de longue date, porte close. Les opérations terminées, on rendait aux familles, quelques semaines plus tard, une minuscule pastille, ce qui restait du défunt. De toute façon, on pouvait conserver chez soi une dizaine de générations d'ancêtres dans une boîte à pilules. Les cadavres disparus, tout était rentré dans l'ordre. Tout avait, comme je l'ai dit, commencé il y a bien longtemps. Les éminences, tout en haut, s'étaient émues de ce gaspillage qui constituait l'anéantissement total et définitif des savoirs qui disparaissaient avec la mort. D'ailleurs, ne disait-on pas qu'un individu qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ? Il convenait de juguler tous ces incendies et de conserver les mémoires qui seraient mises à la disposition de tous. Un programme national avait été lancé et une enveloppe de crédit d'une ampleur sans précédent débloquée. Une équipe de savants de meilleur niveau avait eu carte blanche pour rendre pérenne, à échéance de 5 ans, une technique innovante qui récupérerait à la mort de chacun les connaissances que le disparu avait accumulées tout au long de sa vie. C'était vraiment stupide, tous ces vieillards qui s'éteignaient sans rien laisser, à part 2 ou 3 objets, sans intérêt, un moulin à manivelle, oublié sur une étagère ou une assiette au motif fané au fond d'un tiroir. Certains avaient maîtrisé plusieurs langues anciennes, forcément anciennes puisqu'il y avait belle lurette que concernant le langage, pour simplifier la communication, on avait uniformisé la langue parlée au niveau de la planète en y imposant celle du plus puissant. Bon gré mal gré, la moitié des individus, donc pendant des années, avaient sué sang et eau sur l'apprentissage des idéogrammes. Certains savants avaient, dans les temps, emporté le challenge et les honneurs innombrables qui allaient de pair. Leurs portraits apparaissaient à tous les carrefours sur des écrans qui atteignaient la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Il faut dire que l'on n'avait rien inventé de très innovant depuis plusieurs décennies. On avait alors installé dans tous les foyers un générateur de clair de terre qui se mettait en marche, automatiquement avant la tombée de la nuit. La clarté très douce, récupérée et modifiée, avant d'être distribuée, provenait de cette lointaine planète où toute forme de vie avait disparu, mais sur laquelle les éruptions volcaniques s'enchaînaient sans discontinuer. La lumière ainsi diffusée avait le double effet d'apaiser les esprits les plus échauffés et de revigorer les corps les plus fatigués. Avec la captation des mémoires, c'était bien autre chose. C'est toute la structure de la société qui allait se trouver transformée. La conséquence la plus immédiate était que l'on allait fermer toutes les écoles, universités et autres lieux d'enseignement. Le bénéfice attendu était considérable. Plus d'instituteurs, professeurs et pédagogues en tout genre à rémunérer grassement, plus de bâtiments sont nouveaux à construire et à entretenir car régulièrement dégradés pour une fonction qui allait disparaître. Comme concomitamment, on manquait furieusement de lieux d'incarcération, les écoles, collèges, lycées, universités allaient pouvoir et à moindre frais, être converti en prison. Bien entendu, il fut, dès la promulgation de la nouvelle loi, interdit de mourir chez soi, car seuls les lieux publics étaient équipés de précieux capteurs. On posait le casque sur le crâne du macabé, tout juste trépassé, et d'un simple clic, toutes ses connaissances étaient recueillies et stockées dans une banque centrale des données. La famille du défunt se trouvait taxée d'une amende conséquente si par malheur son proche pouvait... parent avait l'idée de se rendre l'âme. La famille du défunt se trouvait taxée d'une amende conséquente si par malheur son proche parent avait l'idée de rendre l'âme au domicile. Si par extraordinaire cela venait à se produire, bien souvent cela se risquait à se débarrasser de la dépouille par les moyens les plus improbables. Donc la famille se risquait à débarrasser la dépouille par les moyens les plus improbables. Oui, c'est écrit comme ça. Des rumeurs circulaient de distribution nocturne de morceaux choisis aux fauves du parc zoologique ou de confection de douteux ragoûts où les aromates les plus parfumés avaient été largement trop diffusés, trop utilisés. D'une façon générale, pour satisfaire à la nouvelle loi, les populations préféraient programmer ce moment délicat mais de toute façon inéluctable. Ils se rendaient alors dans un des salons qui avaient été spécialement aménagés. Ces endroits avaient été créés en nombre suffisant de façon qu'il en existât partout à une distance fort raisonnable pour chaque individu qui avait jugé que le moment pour lui était venu. Baigné d'une musique et d'une senteur apaisante, la possibilité vous était offerte de regarder encore une fois le film que vous aimiez tellement avant de vous abandonner à votre ultime sommeil. C'était la façon de prémunir tout le monde des désagréments qui pourraient résulter d'une administration inappropriée de sa propre mort. Jusqu'à la fin, gérer la vie, tel était le credo de la plupart des habitants de cette planète. Pendant quelques 20 ans, les transferts se sont opérés entre individus de génomes compatibles, ce qui rapidement mit en évidence les limites d'un tel dispositif. D'une part, cela nécessitait une gestion rigoureuse des génomes, et c'était d'autre part, pour chaque opération, le consentement à recevoir un pack tout ou rien qui était exigé. Vous vouliez devenir le champion en catégorie de toute catégorie d'astrophysique, pas de chance, votre légataire était également titulaire d'une médaille d'or pour la course à pied, fâcheux pour le récipiendaire qui n'avait pas du tout le profil sportif. Une partie de la précieuse marchandise s'en trouvait immanquablement gâchée. Il fallut donc rapidement, impérativement et fondamentalement améliorer la technique. Les connaissances à la source furent triées et classées par groupe, langue, histoire, géographie. Sous-groupes, langues universelles, langues anciennes, langues archi-anciennes, civilisations disparues, histoire ou géographie de tel ou tel continent. Une architecture complexe fut conçue, permettant ainsi d'élaborer en quelque sorte un menu à la carte. Des mathématiques de troisième cycle et un soupçon de littérature pour monsieur, un wagon d'histoire drôle et un zeste de biologie pour madame. Il suffisait de piocher ici et là dans l'épais catalogue proposé. Parallèlement, on injectait une bonne dose d'un immunosuppresseur de dernière génération, et les génomes, compatibles ou non, n'avaient plus aucune importance. Hélas, on se rendit compte que dans leur choix, les individus étaient guidés par les phénomènes de mode. Il y avait des années où l'on se passionnait pour la géopolitique ou la physique quantique. L'année suivante, ce pouvait être l'horticulture et la gémologie. Ainsi, dès que le manque de professionnels dans tel ou tel domaine se fit-il sentir, les choix se trouvèrent autoritairement restreints. On manquait d'ingénieurs chimistes, opportunément il y avait pléthore de modules proposés dans ce domaine précis. Et comme par ailleurs vous ne pouviez pas choisir les moments où vous deviez prendre livraison de vos connaissances, vous deveniez très performant en chimie moléculaire, alors que le matin même, sous la douche, vous aviez rêvé de devenir danseur étoile. Bientôt, les options artistiques ne furent plus offertes. Il fallait les traiter, puis administrer le stock, et surtout, ça ne servait à rien. Les expositions se raréfièrent jusqu'à devenir confidentielles ou inexistantes. On ferma les musées, les collections dans les sous-sols moisirent avant d'être attaquées par les rongeurs. Seules les pièces coulées dans le bronze demeurèrent préservées par une moelleuse gangue de poussière. Faute de clients, les boutiques spécialisées en pinceaux, toiles, aquarelles et chevalets furent mises en faillite. Les teintes des villes et des habitants se ternirent. Tout devint gris, puis sans couleur du tout. Comme on n'achetait plus de piano, plus de violon, ni même d'accordéon, ceux qui les fabriquaient dans des érables blonds travaillaient avec amour, et ceux qui les vendaient, qui faisaient limiter les notes à l'oreille des clients, n'eurent d'autre recours que de se suicider. Tous, collectivement, au signal donné par leur syndicat. Avec le temps, les oiseaux oublièrent de chanter et les sons qui subsistèrent furent des bruits si agressifs qu'ils en vrillaient les tympans. Le vacarme de la circulation, le claquement d'un arbre qu'on abat, le hurlement de l'animal qu'on égorge. Puis, trois ou quatre générations plus tard, les mémoires dupliquées devinrent moins fiables. Les copies avec le temps, étrangement, révélèrent des lacunes et même des erreurs. Ceux qui patiemment, au cours d'une longue vie, les avaient entretenus, étaient morts de plus belle lurette. Plus personne n'éprouvait le plaisir, toujours renouvelé, d'apprendre chaque jour quelque chose. Quelque chose d'utile, quelque chose d'inutile, quelque chose de beau, quelque chose qu'on cherche ou quelque chose qui vous est donné, comme ça, par hasard, gratuitement. Les mémoires dégénérèrent sans que l'on ne s'en rendît compte, car le mal insidieux avait atteint de proche en proche l'ensemble de la classe d'âge. Il eut des conséquences diverses et tragiques, du fait des erreurs commises par les architectes qui ne savaient plus calculer, les constructions s'écroulaient. Dans les laboratoires où on faisait chaque jour un peu plus n'importe quoi, le mélange des éprouvettes conduisait à de fatales issues. La réussite des interventions chirurgicales réalisées sans asepsie et couramment au mépris de l'anatomie élémentaire tenait de la roulette russe. Du bloc opératoire, tous ne ressortaient pas les pieds devant, mais il s'en fallait de peu. Les gens épouvantés refusèrent les soins de ceux qui, en principe, avaient vocation à les dispenser, préférant mourir écrasés sous un pan de mur ou dans un de ces véhicules qui maintenant explosaient et fréquemment, en ralentissant, explosaient à un croisement. Les transmetteurs de mémoire furent les uns après les autres frappés de panne et les agents chargés de leur maintenance furent incapables de remplacer le moindre composant. D'ailleurs, ceux-ci commençaient à manquer. Les programmes ne fonctionnant plus, la dégringolade de façon exponentielle s'accéléra. La planète, autrefois si tranquille, prit des allures d'apocalypse. Des êtres affamés, scrofuleux, vêtus de haillons, puis bientôt quasi nus, hantaient les villes, cherchant abri et nourriture parmi les ruines. Les ballots qu'ils traînaient derrière eux finissaient par s'user et se déchirer sur les pierres sans qu'ils eussent la force de se retourner pour ramasser les quelques objets qui s'en étaient échappés, boîtes de conserve périmées ou dérisoires bibelots qu'ils avaient cru pouvoir négocier. Quelques-uns poussaient un caddie bancal récupéré sur le parking de quelques supermarchés saccagés. Il y avait pris place un ou deux enfants qui pleuraient en silence, mais la majorité avait rapidement abandonné une encombrante progéniture dès lors qu'elle avait compris que, de toute façon condamnée, les petits ralentissaient leur hasardeux exode. On s'entretuait tous les jours pour une grillade taillée sur un de ces prédateurs errants qui avaient oublié les caresses et la douceur des coussins. Les animaux autrefois de compagnie, revenus à l'état sauvage, survivaient désormais en cherchant leur pitance parmi les ordures. Les individus les plus malins abandonnèrent l'idée d'allumer du feu, qui immanquablement les faisait repérer, préférant dévorer cru la viande quand ils avaient pu s'en procurer. Peu à peu, l'usage du feu fut abandonné, puis tomba dans l'oubli. Quand les rigueurs du premier hiver eurent semé leur lot de virus, microbes et autres miasmes parmi les plus jeunes, les plus vieux et les moins forts, les survivants, une poignée de créatures qui revenaient précisément de l'enfer, mais qui s'étaient révélées terriblement rusées, choisirent de faire halte le long d'une haie épineuse, mais qui portait dans ses bourgeons la promesse de ses fruits juteux. Tout recommença, les progrès et les erreurs aussi. Eh ben. Ainsi se termine cette soirée un petit peu particulière consacrée à des lectures sur un monde en advenir, peut-être à éviter, celui des intelligences artificielles qui domineraient le monde ou qui le feraient dériver totalement. Peut-être aussi quelques espoirs dans notre monde parmi ces écrits relevés ce soir. Eh bien, bonne nuit et à bientôt. À bientôt le samedi 7 juillet au Ballon d'Alsace, dans les intelligences pas du tout artificielles et des humains réunis dans la joie, la lumière, sous le ciel et sur ce ballon que l'on dit Apollon. Apollon, le soleil, on a fait une affiche où on voit, d'après Odilon Redon, les quatre chevaux blancs du soleil. Et ça, ce sont des images qui nous emmènent peut-être bien plus loin que les plus interrogatives des fictions. Bonne nuit.